Je vous le disais, nous allons maintenant parler du syndrome de la cabane avec Anaïs. Et explique-nous tout ça, Anaïs. Alors, malgré des mesures encore strictes, ça y est, nous sommes dans une période de déconfinement, je ne vous apprends rien. Petit à petit, nous retrouvons notre travail, nos proches, certaines de nos activités. Si certains se réjouissent de tout ça, ce n'est pas le cas pour tous. Pas facile, c'est vrai, de sortir de chez soi après 2 mois au chaud dans sa petite bulle. Eh bien, vous n'êtes pas seul en fait, il s'agit d'un phénomène déjà observé. Alors, on entend beaucoup en ce moment ce terme, le syndrome de la cabane. Alors, c'est lorsque le déconfinement est vécu comme du stress, de l'anxiété et pas forcément comme une joie. Les écoles, en fait, elles commencent à accueillir certains élèves. Vous pouvez retourner faire vos achats en boutique. Les transports en commun reprennent des horaires normaux. On peut retrouver une petite partie de ses proches. Tout ça, ça peut entraîner du stress. Et oui, vous étiez en sécurité et d'un coup, on vous demande de créer une rupture avec ce sentiment de sortir de cette bulle, comme je le disais. Alors, ça a été notamment observé chez les gardiens de phare. C'est un état émotionnel, la peur de retrouver le monde extérieur. Alors, si vous voulez un petit peu reconnaître les symptômes, on parle de fatigue, être anxieux, de difficultés pour dormir, de peur de sortir de chez soi, de nervosité et aussi de difficultés pour se lever le matin. Alors, dans une interview accordée à la RTBF, la psychologue Evelyne Joss explique que si on va trop vite pour déconfiner, pour sortir de chez soi, on va à la casse en fait. Il faut reprendre un rythme progressivement, une routine. Elle explique aussi que certaines personnes en fait ont remis en question leur mode de vie. Ils ne veulent plus reprendre la vie d'avant avec toutes ces contraintes et le stress qui en découle. Alors c'est vrai que c'est pas évident de retourner à la vie normale, surtout qu'en fait, la normalité a changé. Certains se trouvent, retrouvent qu'on déconfine trop vite et qu'ils n'ont pas confiance en notre gouvernement. On lit de nombreux témoignages en ce moment sur des citoyens qui pensent que les décisions de déconfiner sont prise pour des raisons économiques et pas liées à la santé. Et donc, pour répondre à cet avis qu'on peut lire pas mal, c'est Yves Van Lathem, infectiologue au CHU et porte-parole de la lutte contre le coronavirus, qui rappelle auprès du média RTL TV qu'il ne faut pas rentrer dans une psychose. Selon lui, c'est une pathologie bénigne. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, voilà un propos du porte-parole. En fait, finalement, le syndrome de la cabane, selon les psychologues, ce n'est pas si grave, sauf si ça persiste. Donc ça peut durer plus longtemps chez les personnes plus fragiles, les hyper-angoissées, les hypochondriaques ou les agoraphobes. Alors là, cela, il ne faut pas hésiter à consulter. Mais sinon, vous, si vous êtes dans cette phase-là, c'est un état. On n'a pas de quoi paniquer, c'est normal. Il faut passer par là pour reprendre une vie, tout en respectant bien sûr les mesures et en acceptant cette nouvelle normalité finalement. Donc au final, ce n'est pas que reprendre la routine, il y a aussi un petit peu d'angoisse vis-à-vis de cette nouvelle normalité. Donc ils ont peur de reprendre cette routine, mais qui a changé. Parce qu'on ne peut plus aller dans les magasins normalement, on y va avec un masque, on a peur des autres, on a peur de se faire confiner. Et puis forcément, tu es en sécurité chez toi, dans ta petite bulle, tu fais ce que tu veux de ta vie. Et puis là, tu dois retourner voir des gens. C'est un peu un choc, en fait. Comme on a eu eu un choc d'être confiné, il nous refaut un choc pour déconfiner. Mais j'ai vu un beau schéma qui parlait de ça, justement, qui parle de tout ce qui est justement le choc, en choc, après tout ce qui se passe par les étapes. Mais c'est un peu, je comprends, j'avais lu ça sur les réseaux sociaux. Il y en a un peu qui dit c'est comme sauter pieds joints dans le virus. Au final, tu ne sais pas, en te promenant, enfin, tu vois. Je veux dire, tu sors de chez toi où tu es en sécurité, tu vas dehors, tu peux croiser quelqu'un. Imaginons, je passe à côté de Xavier, je le frôle, il a le coronavirus, il a tchoum à ce moment-là. Je veux dire, je peux le choper. Final, tu vas droit. Tu me fais penser à une métaphore, justement, que Evelyne Joss, que je vous ai citée, la psychologue qui a accordé une interview à l'RTBF, elle faisait une métaphore avec une grenouille. Si tu plonges la grenouille dans de l'eau bouillante, elle va flipper, quoi. Ça va être très dur pour elle, le choc. Elle va mourir. Que si tu la mets dans l'eau, tu montes tout doucement la température, voilà, elle a le temps de s'habituer. Et donc, c'est vrai, elle me donnait cette chouette métaphore pour dire qu'en fait, il faut retourner à la normale, qui bien sûr on met des gros guillemets puisque la normale n'est plus comme avant, mais tout doucement reprendre son rythme pour pas reprendre le train, aller au travail, voir plein de monde, c'est un choc pour certains. Mais parce que finalement le confinement, on a directement été dedans, parce que du jour au lendemain, un choc pour certaines personnes. Certaines personnes n'ont plus pu voir personne, ne plus aller au travail, tout le monde, tout ça. Ouais. Ouais, et puis, je veux dire, c'est une nouvelle. Donc, en ayant ce confinement, on a dû avoir une nouvelle manière de vivre. Et là, maintenant que ça se termine, on va en avoir une nouvelle qui est comme l'ancienne, mais qui est différente. Qui est différente. Donc, ça va être toujours. Mais là. Est-ce qu'on aura la même vie qu'on a eu avant ? Pendant un petit temps, non. À mon avis, pendant un an ou deux, on va vivre peut-être très loin. Mais il va y avoir tout un moment où, je veux dire, après, ce sera comme la grippe, qui est un virus. Quand elle est arrivée aussi, ça a fait tout un truc. Quand il y a eu Ebola, donc ça va être tout un moment où il va y avoir des choses différentes. Et puis, on retrouvera un cycle normal. Et qui dit pas que dans 10 ans, on aura un autre virus qui fera qu'on aura encore un changement. Mais je veux dire, nous, à notre âge, c'est un peu le premier truc qu'on a connu aussi. Et après, l'infectiologue que j'ai cité tout à l'heure, qui a accordé une interview à RTL, ben, le porte-parole de la lutte contre le coronavirus, il disait que le fait qu'il ne faut pas rentrer dans une psychose, que c'est une pathologie bénigne et que c'est moins grave qu'Ebola, par exemple. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut regarder avec ce qu'on a déjà eu de plus grave. Donc, c'est ce qui citait Chertel l'autre jour. Ah ben voilà, merci pour ces infos. N'hésitez pas à dire aussi vous ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait peur? On vous mettra un sondage sur Instagram en fin d'émission. Est-ce que ça vous fait peur, cette nouvelle vie qu'on va devoir avoir? Parce qu'elle commence tout doucement, mais une fois que... Je veux dire, là, on est un petit peu, on va dire, en phase de test, de déconfinement petit à petit. Il y a un moment où tout va reprendre normalement. Enfin, est-ce que ça va reprendre tout à fait normalement? Donc, on vous posera la question. N'hésitez pas à nous dire quoi et on en reparlera dans une prochaine émission. Toi, Xavier, ça te fait peur, le renouveau, on va dire? Bah, le renouveau, c'est surtout, aller par exemple, reprendre, aller au restaurant et tout ça. On va certainement pas aller au restaurant comme on les restaurants soient, voilà, qui soient bondés. Il y aura certainement des séparations entre les tables ou des plexis ou autres. Mais est-ce que ça me fait peur? Pas vraiment, mais maintenant, s'il faut vivre tout le temps comme ça, oui, ça me fait peur. Mais, bon. Mais le renouveau ne me fait pas peur, moi, mais c'est de déconfiner trop vite. Trop vite. Oui, parce que en même temps, on se dit que on n'a pas le choix, parce que bon, on nous dit déconfiner, on déconfine, le boulot, on n'a pas le choix d'y retourner, tout ça. Alors que si intérieurement, on sait que c'est une connerie et que par après, on nous dit, bah voilà, c'était une connerie, on se dira, putain, moi, je le savais, mais j'ai pas eu le choix de le faire, donc on va s'en vouloir à soi. Or qu'au final, c'est pas nous qui sommes responsables. Après, je dis pas que c'est la faute du travail, je dis pas que c'est la faute de ça, mais je veux dire, on est un peu dans une période compliquée où de toute façon, tout va nous sembler un peu plus compliqué, remettre en question. Puis tous les gens qui, comme on disait, qui ont la pépette pour les comment est-ce qu'on dit, il y a même un film avec Danny Boone, les hypochondriacs. Oui. Tous ces gens-là, ça doit être horrible pour eux de vouloir ressortir. Ceux qui ont peur de la foule. Ben oui, et puis tous ceux qui ont peur de choper un petit rhume. Enfin, je veux dire, il y en a qui vont loin. J'ai croisé quelqu'un la dernière fois à la gare qui avait masque, visière, foulard. Enfin, je veux dire, si on te dit que ton masque suffit, enfin, je veux dire, ok, c'est ta peur. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, à un moment. Ça, chacun son avis, hein. C'est vrai qu'il faut avec porter des gants et tout ça, mais à un moment donné, le virus, il reste plus longtemps sur ton gant que sur ta main. Alors que ta main, enfin, il suffit peut-être de la nettoyer, de désinfecter tout ça, qu'avoir un gant avec toi, tu vas l'enlever, donc d'office, tu vas être en contact avec les misères, les bactéries qui est sur ton gant. Donc, est-ce que c'est bon au final? Enfin, les avis changent tout le temps. Voilà. Hein, la politique nous dit un jour, il faut pas mettre de masque, et puis on nous dit, mettez des masques, puis on nous dit, il faut mettre des gants, puis on nous dit, il faut pas puis mettre de gants. Puis ceux en tissu ne fonctionnent pas, puis mettant en tissu, on nous distribue des masques. C'est un gros bordel, et c'est ça qui rend aussi les gens un peu anxieux, non? Mais c'est comme on nous a dit que si le virus était sur une main ou sur un gant, qu'il tenait moins longtemps sur une main que sur un gant. Donc, que faire? Mettre une main et se laver les mains plus vite? Enfin... Puis on dit aussi qu'il faut plus désinfecter ses courses apparemment, parce que je te jure, ils ont cité ça, il y avait plus besoin de les désinfecter, mais apparemment ça reste pas, enfin tu vois, les avis changent tout le temps, et je pense qu'on sans recul on ne peut pas dire quelle est la bonne manière à suivre. Chacun se fait son propre avis, et c'est ça qui rend aussi les gens anxieux, parce qu'on n'a pas une décision claire qui nous dit, voilà Anaïs, tu vas faire tes courses, tu fais comme ça comme ça comme ça comme ça. Non, mais moi de base je nettoie mes courses en le mettant dans le frigo, parce qu'ils ont été en contact avec les... Avant le confinement, tu nettoyais tes courses? Ah, déjà avant, oui, toujours. Enfin, pas moi, mais mes parents aussi, mais quand je les aide à ranger les courses, d'office, je prends le réflexe de le faire, donc voilà. Ah, moi, les fruits ou les légumes, mais les trucs emballés... Ça peut, je sais pas. Voilà. Tout ce qui va au congèle, de toute façon, ça va au congèle, donc c'est gelé. Non, tu vas dans le frigo, quoi. Ah ouais, moi j'ai jamais nettoyé les... Même pendant le confinement, j'ai c'est pas C'est comme il y en a non plus. Il y en a qui nettoient. C'est comme les colis. Hein? Moi j'ai reçu sur le confinement une vingtaine de colis. Il y en a, je sais, il y en a qui attendent d'ouvrir leur colis pour être sûr qu'ils enfin déjà ton colis, à partir du moment où il était envoyé, il faut déjà 2-3 jours, il passe dehors, enfin je veux dire t'as acheté un truc que tu veux acheter depuis des mois, t'es obligé de le laisser encore 3 semaines de plus pour et pas c'est bon. Enfin je veux dire, si vous avez peur, faites-le, on peut comprendre, mais je veux dire, il faut pas non plus tomber dans l'hystérie, dans la paranoïa. Après, on dit pas que tout n'est pas exagéré, loin de là, respecter tout ce qu'on dit, tout ce qui est dit, mais faut pas non plus en faire, il faut surtout pas faire peur aux gens qui n'ont pas peur, parce que je vois beaucoup de gens aussi qui font des lavages de cerveau, ah mais il va avoir ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Si quelqu'un n'a pas peur et est confiant et respecte tout ce qui doit être respecté, ne mettez pas les gens dans des états je sais même pas comment qualifier, quoi. Oui, si vous respectez les mesures, reprenez le temps de sortir un petit peu, ça va vous faire du bien.